Voici Réanimation, spécial Halloween. Bienvenue dans mon monde. Les âmes les plus noires ne sont pas celles qui choisissent d'exister au fond de l'enfer des abysses, mais celles qui choisissent de remonter des abysses pour s'insinuer parmi nous. We'll be right back. Demandez à me voir, paraît-il. Vous éprouvez le besoin d'un réconfort spirituel, mon fils. Je vous écoute. Gardez vos exhortations spirituelles pour ceux qui y croient. Je vous ai fait chercher parce que le monde a besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Dire. informations, visitez cifou.ca. Salut, moi c'est Alex. Tous les mardis à 21h, j'anime Matière Noire. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre, c'est un rendez-vous. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Salut, ici Octoplot et on est très content de vous présenter notre deuxième album, Le Démon Normal. J'aimerais profiter de la tribune ici pour savoir si vous avez retrouvé mon sac à dos que j'ai égaré à l'université v'là 2 ans. Je soupçonne qu'il m'ait été volé et il y avait des souliers à l'intérieur. Alors, ne manquez pas Le Démon Normal à suivre. Pas la bienvenue en ce 31 octobre de l'an des disgrâces 2017, spécial Halloween. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai morbidement jusqu'à 21h. Ce premier bloc de cauchemar était constitué de la formation Paradise Lost et la pièce From the Gallows qu'on retrouve sur leur dernière parution paru le 1er septembre 2017, soit Medusa. Juste avant, un vieux succès, pour ainsi dire, de 1983 de Black Sabbath, à l'époque de M. Ian Gillan, Disturbing the Priest. Born Again étant le 11e album paru le 7 août 83. Nous avons ouvert avec King Diamond et une pièce tout à propos puisqu'elle porte le titre de Halloween, tiré de son premier album solo Fatal Portrait paru le 17 février 1986. En 2006, il y a donc 11 ans, c'était la dernière fois, avant ce soir, que Réanimation pouvait réellement célébrer l'Halloween la journée même, puisqu'il y a bien eu 11 ans, vais-je le dire, que le 31 octobre n'est pas arrivé un mardi. Donc, c'est pour cela que je tenais absolument à souligner l'événement, cette fête de l'Halloween, avec un spécial tout à fait à propos. Ce soir, il n'y aura peut-être pas autant d'interventions que je le fais à l'habitude, donc je serai peut-être un peu moins verbomoteur. Il y aura quand même une chronique qui s'adressera au cinéma parce que j'ai vu des trucs assez intéressants depuis la semaine dernière. Bon. De façon restreinte, je parle de deux titres, ainsi qu'une petite chronique musicale, bien entendu. On va poursuivre cette fois-ci avec... Formation Coroner, tout à propos aussi comme titre, n'est-ce pas? Et la pièce Rest in Pieces. Si le Necronomicon tombait aux mains des cadavéreux, c'en serait fini de l'humanité. Quand finiras-tu par comprendre? Ce chemin te conduira en un lieu funeste. Un cimetière. C'est là que le Necronomicon t'attend. Quand tu ôteras le livre de l'endroit où il se trouve, tu devras prononcer les mots « Clato Berata Necto ». Thank you.

de la Californie, Possessed et leur Exorciste. Pièce d'ouverture de leur premier album, Seven Churches, qui est paru le 16 octobre 1985, il y a donc 32 ans. Juste avant, Six Feet Under, Revenge of the Zombie, tiré de leur deuxième album, Warpath, paru le 8 septembre 1997. Nous avions Death, de la Floride, bien sûr, et Evil Dead, tiré de leur premier album, Scream Blood and Gore, qui lui est paru le 25 mai 1987. Et nous avions ouvert avec les Suisses de Coroner et la pièce R.I.P. Rest in Peace. Je vous ai fait un petit jeu de mots en la présentant en disant Rest in Pieces. C'est en pièce tirée de... Ben en fait, c'est la pièce titre de cet album qui est paru le 1er juin 1987 et c'était leur premier album. J'ai le goût de me faire plaisir et je vais le faire de ce pas puisque le prochain bloc cauchemardesque est fortement à saveur industrielle. À l'occasion, j'ai quelques petites écartades comme ça et je le fais ce soir, donc enjoy, go! Il se repose en attendant qu'une toute nouvelle vie lui soit offerte. Il a le cou brisé. Son cerveau est inutilisable. Nous devons en trouver un autre quelque part. Nous avons là un des plus beaux spécimens de cerveau humain que j'ai eu l'occasion d'étudier dans cette faculté. Et ici, un cerveau déficient de criminels caractéristiques. Toutes les caractéristiques de cette dégénérescence correspondent étonnamment à l'histoire du mort qui est devant vous. Un homme dont la vie est faite de brutalité, de violence, de meurtre. Through the cemetery. There, sticking up out of the ground, she saw big bones. Yeah. oiseau, c'est bizarre. Allez, on se grouille et qu'on en finisse. C'est une illusion, c'est sûr. J'ai trouvé le... Oh, nom de Dieu ! Larry ! Lâche-moi ! Il est en vie ! Larry ! Thank you. C'est un tueur, une saloperie qui a tué une vingtaine de gosses ici autrefois. Ils étaient tous morts de peur quand il était en liberté. Mais quand il a été pris, c'est devenu encore pire. On l'a foutu en prison. Mais il manquait une signature sur un des documents de police et il a été remis en liberté. Avec d'autres parents, on a recherché ce monstre après sa libération. On l'a trouvé planqué dans une chaufferie abandonnée où il tuait les gamins. On a apporté de l'essence et on l'a répandu sur le sol partout. Et on a attendu que les flammes aient tout brûlé. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Besoin de parler, de vous confier, de partager. Télécoute Trois-Rivières. Du lundi au jeudi de 15 à 22 heures, vendredi et samedi de 18 à 22 heures et dimanche de 18 à 21 heures. Parce que la vie est pleine d'émotions, Télécoute Trois-Rivières. 819-376-4242. Lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis, aujourd'hui. Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne. Mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. quand je suis entrée. La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des AA, j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les AA, j'ai trouvé une solution et de l'espoir. Vous êtes à Cibou, 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cibou? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Avant cette pause, Robert Bartley Connings, mieux connu sous le nom de Rob Zombie, et la pièce Meet the Creeper, tirée de son premier album solo, après White Zombie, bien sûr, Hellbilly Deluxe, qui est paru le 25 août 1998. Nous avions juste avant de Chicago à ce moment, Ministry, la pièce Scarecrow, tiré de l'excellent cinquième album Psalm 69, paru le 14 juillet 1992. Et nous avons ouvert avec les légendaires canadiens, légendaire formation industrielle Skinny Puppy, et la pièce Déguette qu'on retrouve sur ce mini-album EP, si vous préférez, du même titre, Déguette, qui est aussi une pièce tirée de l'album Mind TPI, paru en 1986. Allons-y avec la chronique cinéma. Eh bien, actuellement en salle, vous pourriez aller voir, si ce n'est pas déjà fait, le 8e chapitre de la saga SA, ou Décadence, S-A-W bien sûr, comme SI en anglais. Décadence avec Jigsaw, film de Michael et Peter Spirig, qui raconte qu'après une série de meurtres qui ressemblent étrangement à ceux de Jigsaw, qui était le fameux instigateur des crimes crapuleux dans lesquels il y avait énormément d'énigmes pour pouvoir s'en sortir, le tueur au puzzle, de son nom francophone, si vous préférez, la police se lance à la poursuite d'un homme mort depuis plus de 10 ans. Donc, ça risque d'être peut-être intéressant. Remarquez que c'est pas tous les chapitres de Décadence ou de ça qui ont été intéressants. Le premier était très original. Le deuxième était correct. Le troisième, moyen. Le quatrième, ouf. Le cinquième était pas si mal, mais bon, c'était un peu en dents de scie, quel jeu de mots. Film que j'ai... je vais commencer avec ce que je vous proposais de pouvoir regarder pour l'Halloween. Il n'est pas trop tard pour le faire encore, pour, au moins dans certains de ces titres-là, peut-être en retenir un ou deux, ce que j'ai fait la semaine dernière. Eh bien, je vous proposais d'aller redécouvrir l'original de It, ou Ça, c'est dit A, de 1990, qui est tiré d'un roman de Stephen King. Vous pouvez aussi vous taper l'excellent Return of the Living Dead de 1985 de Dan O'Bannon. Très bon film qui allie l'horreur, les zombies et la comédie. The Others, excellent film de fantômes de 2001 qui met en vedette Nicole Kidman. Très, très bon film. The Homan, je vous parle du remake qui est paru en 2006, qui est une excellente reprise de ce film de 1976, qui est un film d'horreur à connotation possession, bien sûr. From Hell, de 2002, un film d'horreur également. Bon, vous vous en doutez, je suppose. Thriller, horreur et thriller, mettant en vedette Johnny Depp. Très bon film de Albert et Alan Hughes, qui parle de l'enquête qui se fait de part de Scotland Yard sur les traces de Jack the Ripper, Jack l'Éventreur. Il y a Victor Frankenstein de 2015, qui est un film d'horreur à connotation fantastique qui met en vedette entre autres Daniel Radcliffe et James McAvoy. C'est un très bon film qui revisite, c'est un anglicisme, je sais, qui revoit, si vous préférez, le roman de Mary W. Shelley. C'est bien adapté. C'est bien adapté, c'est très bien joué. C'est vraiment un excellent film. Wolfman, qui se veut une forme de remake du film Wolfman, film de 1934, 4, si je ne m'abuse, je devrais vérifier, là, qui mettait en vedette à l'époque Lon Chaney. Ici, c'est le Benicio del Toro et Anthony Hopkins qui sont les acteurs principaux. Très bon film, très bon, je dirais, peut-être pas nécessairement un remake, mais près de l'être, mais une très bonne adaptation. Et finalement, un film qui fait partie de mes films fétiches et qui est une connotation à cette émission, Reanimator de 1985, un film d'horreur et de zombies, un film avec Jeffrey Combs et Bruce Abbott, un film de Stuart Gordon. C'est un film, c'est une série B, mais c'est une excellente série B. Dans les films que j'ai écoutés depuis la semaine dernière, il y a deux titres qui ont été principalement retenus pour moi. Soit un film de 2017, film d'horreur, bien entendu, il fallait que je reste dans la thématique, The Devil's Candy, qui est un film de Sean Byrne, qui raconte l'histoire d'une famille, pour le moins particulière, ben, je dirais particulière, parce que contrairement à ce qu'on voit dans ce genre de film-là, c'est toujours des gens de bonne vertu ou de bonnes mœurs. Ici, on parle d'une famille très métal, qui écoute, oui, du métal, et qui s'installe dans une maison de leur rêve, dans laquelle lui est artiste peintre. En fait, il travaille très fort pour pouvoir se faire un nom, il prend des contrats pour de différentes institutions dont la thématique ne lui plaît pas vraiment, mais bon, pour gagner sa vie. Pendant que la jeune adolescente de 14 ans, elle, qui est une fanatique de métal, qui adore Metallica, qui adore les groupes comme Ghost et compagnie, toutes sortes de trucs, je dirais... vous pouvez en nommer, là. Elle serait l'élu d'une espèce de psychopathe qui semble possédé par une entité démoniaque et dont les toiles peintes par le père de cette jeune fille-là, font prendre activité de cet esprit ou cette force démoniaque. C'est vraiment très bon. C'est très original et je m'attendais pas à ça du tout comme film. Je me suis dit, bon, un autre film qui va sûrement me décevoir comme bon nombre l'a fait dans l'horreur. Mais non, pas du tout. The Devil's Candy, c'est vraiment un très bon film à voir. Et ça met en vedette Ethan Embry, qu'on a pu voir dans la série The Walking Dead. Mon coup de cœur aurait été cette fois-ci sur un autre remake qui est It, ou ça, effectivement. Qui, comme je l'ai dit, avec son original de 90, est tiré d'un roman de Stephen King. Celui-ci est vision cinématographique de Andy Muschietti. Et c'est un très bon film. C'est ce que je qualifie d'un très bon remake. Et comme je l'ai dit dans ma chronique sur le site de réanimation, rd.com, bien, pour avoir écouté l'original la semaine dernière, il était assez simple pour moi de faire la comparaison avec cette version revue de It. Verdict, il s'agit d'un très bon remake. Ce que je reproche généralement au remake, et surtout qu'ils reprennent un film que j'ai aimé, ou qui même pourrait être emblématique, et que trop souvent l'adaptation ou la vision du cinéaste dénature l'ensemble de l'œuvre. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'avec une reprise, que ce soit... au niveau cinématographique ou musical, généralement, il s'agit d'une forme d'hommage. Et si la version ne correspond plus ou devient trop méconnaissable, ben, à quoi bon le faire? Mais ce n'est pas le cas avec It, le remake, parce que c'est un très bon film. Plus violent que l'original de 90, plus explicite aussi, mais quand même, on ne mise pas sur cet aspect entre guillemets et entre double guillemets gore, mais bien sûr, l'horreur en tant que telle et l'horreur ressentie par les protagonistes et l'angoisse qui s'en ressent parce que le clown Pennywise est complètement dément. Donc, je conseille énormément de voir le remake de It. C'est un très bon film. 20h14. Nous allons poursuivre musicalement cette fois-ci avec des formations qui œuvrent à la fois dans le trash, le death, les deux à la fois, ou le death metal. Allons-y avec Witchery. Go. Après avoir fait régner une horrible terreur pendant plus d'un siècle, le roi des vampires fut enfin traqué dans son repaire, un château des Carpates. Depuis fort longtemps, on cherchait à le détruire, mais jusque-là, tous les efforts avaient échoué. Enfin, apparut un adversaire qui possédait suffisamment la science des vampires pour lui porter le coup mortel. the depths of our own kind. The messages of breath to life must stand behind. Look across this every corner of our eyes. For the vast mountain oceans are swarming. Qu'est-ce que nous avons fait ce soir, Dieu? Ce que nous avons fait doit rester secret, entendu. Vidéo hospitalier, c'est fou. cremation. Au cœur mon refuge en cremation. A terre mon refuge en annihilation. Au cœur mon refuge en cremation. Will all tears must die. All the men I kill. What my heart destroyed. Nothing left when it is over. Torment deep inside. To be unleashed on those inside and deep with his kids. Blood is flowing from their bodies out of misery. Out of their misery, in with my cruelty. Erase the present to forget the past. Chaotic fury was driven by fear. Here's a way to fly, our family was slain. C'est la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Les 40 meilleures pièces francophones et anglophones de la semaine. Les top albums canadiens et loud et les chroniques musicales comme C'était fou, Palmarès in Peace et Huile de palmarès. Les palmarès C'est fou, du lundi au jeudi de midi à 13h, édition week-end les samedis dès midi. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis. Sur le campus, ce qui se passe à Trois-Rivières, nos journalistes vous le partagent avec passion. Zone Campus, le journal étudiant qui vous tient au courant. Retrouvez-le dans chaque pavillon de l'université ainsi que plusieurs commerces du centre-ville. C'est fou, 89.1 FM. FM. Il est 20h30. Avant cette pause publicitaire, on a eu droit à la formation Cannibal Corpse et la pièce Funeral Cremation. On retrouve sur leur 13e album, avant-dernier, A Skeletal Domain, qui était paru le 12 septembre 2014. D'ailleurs, à ce sujet, ce vendredi 3 novembre, c'est la sortie de ce nouvel album de Cannibal Corpse, Red Before Black. Je vous en parle un peu plus en détail si j'ai le temps. Sinon, il fera partie de la présentation de la semaine prochaine. Justement, Cannibal Corpse, nous avions de Stockholm, Bloodbath, et la pièce titre de ce quatrième album, Grand Morbid Funeral, paru le 17 novembre 2014 sur Peaceville. Et nous avons ouvert avec de Suède également Witchery et Nosferatu, tiré de l'album In His Infernal Majesty, leur sixième paru le 25 novembre 2016. Il y en a un bientôt en novembre, je pense, un nouvel album pour Witchery. En fait, la chronique musicale va être relativement courte parce que je ne vais simplement que vous parler de ce que je vais vous présenter la semaine prochaine, c'est-à-dire que je vous présenterai des extraits du nouvel album de Moonspell, qui porte le titre de 1755, ainsi que un album que je passais à côté lors de sa sortie le 13 octobre dernier, soit Narcotic Wasteland, Delirium Tremens, album que j'ai chroniqué sur le site de Réanimation, réanimationad.com, pour aller voir ce que j'en pense, ainsi que le nouvel album de Cannibal Corpse, bien sûr, lui aussi également disponible à partir du ce vendredi 3 novembre, tout comme Moonspell, Red Before Black, ainsi que j'aurai à partir de 8h15 la semaine prochaine, théoriquement, je crois que c'est pas théoriquement, je devrais les recevoir, mais théoriquement à partir de 8h15, je recevrai des membres de Genetic Error pour je les aurai en exclusivité pour qu'ils nous parlent, nous entretiennent et qu'on puisse vous diffuser l'entier de ces 4 nouvelles pièces de ce nouveau EP, Genetic Error, donc c'est à ne pas manquer mardi prochain. Aussi ce vendredi, bien sûr, pour les vrais amateurs de vrai rock, il y aura Classique avec mon ami le Rockmaster Alain Lefebvre et moi-même, j'y serai cette semaine. Et cette semaine, c'est une émission à programmation régulière, mais on retrouve les mêmes segments et qu'on retrouve pratiquement à toutes les éditions de Réanimation Rock Classique. Donc, face complète de non pas, mais deux albums vinyle classiques, soit Buffalo Springfield, Again, de Buffalo Springfield, ainsi que Forever Change, The Love, où c'est dans les groupes obscurs. J'ai un problème avec l'écran, c'est bizarre, ça. Ouais, il y aura la chronique du surnaturel, il y aura les beaux programmes d'antan, ça passe ou ça casse, et les éphémérides, bien sûr. C'est tout ça à partir de 11h, ici même assez fou. 89.1 FM. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Et aussi, avant que je ne l'oublie, ce vendredi, 18h30, vrais amateurs de métal également, c'est Subversion avec notre ami DJ Tower of Death sur Underground Québec, qu'on verra ce week-end-ci d'ailleurs. Parce que ce week-end-ci, à compter de vendredi, soit le 3 novembre, au Rock Café Le Stage, c'est la 4e édition du Trash Metal Fest, qui met en vedette respectivement ce vendredi 3 novembre, la formation Strashers, Sans Amertume, Crasse de Marde. Oui, c'est vraiment le nom. À la Zif, 30 ans plus tard. Non, ça, c'est pas le nom d'un groupe 30 ans plus tard. C'est à la Zif qui revient 30 ans plus tard. Speed Terror, Torturer, Satanic, Eternal Judgment, Saccage, ainsi que le samedi 4 novembre, Demonarchy, Dirty Rotten Bastard, War Slave, Crucificator, Necrosphere, Insurrection, Hellborn, War, Exotoxic, Occult Burial et Aggression. Tout ça pour 20$ par soir ou pour les deux soirs au coût de 35$. Les portes ouvrent à 17h les deux soirs pour ce Trash Metal Fest 4. Nous allons poursuivre cette fois-ci musicalement avec l'album marquant du mois, parce que oui, c'est la dernière édition de l'animation pour le mois d'octobre. Cette fois-ci, s'adresse à une formation, très marquante et très mythique pour certains, soit le Newcastle England Venom. Et je m'adresse ce soir au troisième album de cette formation, ce trio qui aura, ma foi, doit-on le dire, révolutionné le métal avec leur vision apocalyptique, mais tellement mal enregistrée, musicalement parlant. Je parle de At War with Satan et j'ai choisi la pièce titre, cette longue pièce de 19 minutes quelques, dont je vais tenter de passer l'intégralité, ou à peu près, parce que j'ai un dernier bon petit bloc pour vous dans ce spécial Halloween, donc allons-y tout de suite, At War with Satan, with Venom. We'll be right back. Demon souls. Show yourself. Venom, plus de 12 minutes de cette longue pièce At War with Satan, pièce titre de ce troisième album paru le 16 avril 1984, sur 10, ben, en fait 20 minutes, 19.56. Ben, que dire de Venom, c'est indéniablement une formation qui a marqué le monde du métal de par son audace, de par son innovation au niveau du métal, beaucoup plus sombre. Certains disent qu'ils sont les instigateurs du black metal. Un trio marquant, certes, mais quelque peu maladroit aussi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une qualité d'enregistrement studio parfois risible. Mais ça fait partie du charme, hein? Donc j'espère que vous avez apprécié. 20h48, et c'est vraiment le dernier droit de ce spécial Halloween ainsi que cette édition de réanimation. Je vais vous laisser avec un dernier bloc, mais avant, je vous exhorte d'être présent ce vendredi à Rock Classique sur les ondes de CIFU 89.1 FM dès 11h pour les vrais amateurs de vrai rock. Je serai de retour la semaine prochaine, mardi prochain, pour une édition qui comportera beaucoup de choses, une émission hyper chargée, voire débordante, un peu comme ce soir, mais peut-être plus encore, avec trois présentations de nouveautés qui sont, comme je l'ai dit, Moonspell et leur dernier album 1755, qui paraîtra ce vendredi 3 novembre. Narcotic Wasteland et l'album Delirium Tremens, leur deuxième, qui est paru le 13 octobre dernier. Ainsi que Cannibal Corpse et leur dernière parution Red Before Black, qui est à sortir le 3, soit ce vendredi également. Ainsi que une entrevue avec les membres de Genetic Error pour le lancement de leur dernier album, dernière parution originale. Donc, c'est à ne pas manquer. Je vous laisse avec trois dernières formations qui sont respectivement Sacrifice et la pièce Afterlife qu'on retrouve sur Forward to Termination, perdue en 1987. Creator, formation allemande, et la pièce Under the Guillotine, on trouve sur leur premier album, Pleasure to Kill, leur deuxième album, pardon, Pleasure to Kill, paru le 1er novembre 1986. Vite de même, l'album devra avoir 31 ans demain. Ainsi que Slayer, Postmortem, tiré de Rain in Blood, leur troisième, paru le 7 octobre 1986 également. Enjoy Halloween. Allez tous vous faire foutre. La semaine prochaine. See you. Go! Faut que je te pose une question. Tu avais vu la nuit des morts vivants? Ah ouais, c'était le film où les morts dévorent les vivants, hein, c'est ça, ouais, extra. Mais quel rapport? Tu savais que le film était basé sur un truc vrai? Ah, tu blagues, ça prend pas. J'ai jamais parlé plus sérieusement. Non, bah, ils ont changé des choses, tu vois. Les faits ont eu lieu réellement, mais ça s'est passé en 1969 à l'hôpital de Pittsburgh. Il y a eu une fuite chimique, un liquide toxique qui s'est étalé dans la morgue. Alors tout d'un coup, les cadavres se sont levés et mis à se balader. You will die.